Rouler au maximum autorisé sur autoroute après avoir quitté les embouteillages de la ville a quelque chose de libérateur. Mais il suffit d'une circulation un peu dense, d'une météo changeante, pour que le pied posé sur le frein désactive le régulateur de vitesse et oblige à modifier l'allure. Plus on roule vite, plus on consomme du carburant et plus on pollue l'atmosphère. Et plus on arrive tôt? Pas vraiment. Rouler à 120 au lieu de 130 km/h sur 100 km allonge la durée du trajet de 4 petites minutes. Réponse A.